Oui, il faut travailler plus pour gagner plus. Ils l'ont dit il y a 60 ans. Le travail rend libre. Le travail rend libre en allemand. Oui, ils l'ont dit il y a plus de 60 ans. En allemand. En allemand. En allemand. Arbeitsfrei. C'est vraiment géant de parler.